Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, quand la vie privée devient publique, une série de Manon Prigent réalisée par Séverine Cassard. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'entre Instagram et YouTube qui nous permettent d'assouvir nos penchants de voyeurs ou d'exhibitionnistes, on a eu envie de voir comment le dévoilement de la vie privée pouvait aussi être politique. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, une chercheuse qui recueille des secrets, le sida qui tuait en masse, les années 80, des cassettes audio et un homme qui voulait tout dire au grand jour mais qui a pourtant ménagé un peu sa mère. Mais pour commencer troisième épisode, on ressort le magnéto. Dans le fait de créer Act Up, tout d'un coup, je me suis dit, bon, maintenant, c'est évident que tu ne vas plus avoir de vie privée. C'est évident qu'à partir du moment où tu vas être associé à Act Up, c'est évident que maintenant, tu ne pourras plus le cacher. Et le jour où on l'a créé, on a déposé les statuts, c'est sûr que psychologiquement, je me suis dit, il y a un avant, il y a un après. Le VIH est arrivé en plein milieu. Bon, c'était quelque chose d'épouvantable, hein, nous sommes d'accord, donc qui est arrivé secrètement et ensuite rapidement, qui faisait peur à tout le monde, mais dans un milieu où il y avait quand même déjà les premières revendications sur gay pride, sur la fierté d'être gay, sur le fait qu'on pouvait le dire, etc. C'était possible pour une partie de la population d'assumer leur orientation sexuelle ou leur utilisation de produits injectables, etc. Mais ensuite, ils avaient une maladie grave et transmissible et ils l'ont attrapée et les implications pour leur vie privée, c'était énorme. Grave dans le sens de « on allait mourir ». À cette époque-là, c'était une condamnation à mort pour la plupart des gens. C'était aussi, c'était pas seulement dire que j'étais séropositive, contrairement à maintenant, c'était vraiment dire, annoncer que je vais mourir dans moins de 10 ans. À l'époque, c'était comme ça. C'était 3 ans où je devais être asymptomatique. Après, ça commençait à se dégrader jusqu'à vraiment développer au bout de 5-6 ans un vrai sida et mourir au bout d'un, deux, trois, jusqu'à 4 ans après. Donc ça fait vite un calcul de 10 ans. Donc moi, annoncer la séropositivité, c'était aussi annoncer ma mort. Et la possibilité de m'investir dans ce monde et dans cette vie. Comment on allait me voir, comment on regarde et comment on travaille avec quelqu'un qui va mourir et avec qui c'est pas la peine de s'investir dans une équipe. Comment on partage des choses avec quelqu'un qui va être malade aussi, qui va se dégrader. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas. Enfin, je me suis pas tellement mise à la place de tout le monde, je me suis juste mise à la mienne face à la possibilité de le dire. C'était très vite réglé ça. Donc le dire, non, pas possible. Les années sida, se dire séropo, un geste politique. Manon Prigent, Séverine Cassard. J'irai plus loin, c'est qu'on a culpabilisé, parce qu'il y a quand même toute une frange de la population qui, à cette époque-là, a quand même dit que c'était bien fait pour eux. S'ils étaient contaminés, c'est parce qu'ils avaient des rapports contre nature, parce qu'ils avaient une sexualité débridée. Il y avait un jugement moral sur la sexualité qui a été très présent. Pour la population qui n'assumait pas publiquement, par exemple, leur homosexualité, c'était gravissime aussi. C'est-à-dire, c'était comment est-ce que vous l'avez attrapé, donc, dans la tête des gens, des interlocuteurs, de l'entourage de cette personne-là, comment est-ce qu'il l'a attrapé? On le sait, la maladie nous met souvent à nu. Le corps trahit une histoire que parfois nous aurions aimé pouvoir garder pour nous. Dans le cas du VIH, si le corps est contaminé, il n'est pas nécessairement malade. C'est au moment où le corps ne peut plus se défendre contre les maladies opportunistes que l'on parle de sida. Avant l'arrivée des trithérapies, en 1996, les personnes infectées par le virus se savent en sursis, tant leurs chances de survivre à la maladie sont faibles. Dès lors, une question s'est posée, individuellement, mais aussi collectivement. Faut-il parler ou faut-il se taire ? Se replonger dans les années sida, c'est saisir un tournant décisif, celui où des questions jadis soigneusement cantonnées à la sphère privée sont devenues des enjeux collectifs. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Bon, des articles sur le sida. Des articles. Ici, des feuilles de codage. Et ça alors ? Ça s'appelle recherche à NRS. Irène Théry, sociologue. Alors, là on est dans une salle d'archives. Dans ce carton, vous voyez, il y a des entretiens. Par exemple là, l'entretien 41, Laura, intervieweur Irène, lieu domicile, patient du docteur Chamberlain. Il y a des indications et comme on le voit, il a été travaillé, retravaillé. Par exemple, ça c'est un entretien qui fait 56 pages. Donc les entretiens, ils étaient transcrits intégralement. Donc, c'était des entretiens que vous enregistriez avec un magnétophone. Oui, qu'est-ce qu'on aurait vu faire d'autre hein, en 1995. Et c'est d'ailleurs très important. Parce que le magnétophone, c'est une sorte d'intermédiaire entre la personne et nous et qui donne son statut à ce qu'on est en train de faire. Un entretien, ce n'est pas une confidence, même quand le sujet, c'est la confidence. Et par exemple, quand une personne, c'est arrivé plus d'une fois, parce que les entretiens étaient très intenses, voulait me dire quelque chose à moi Irène, pas à la sociologue. Il appuyait ou elle appuyait sur le magnétophone pour arrêter le magnétophone. Parce que tout le monde a son quant à soi. Dire quelque chose qui était vraiment de l'ordre de l'intime, où elles arrêtaient elles-mêmes le magnétophone. Cette enquête que vous avez menée s'appelait « Silence, secret et confidence chez les personnes séropositives », il me semble. Comment vous avez... Dans les relations entre les personnes séropositives et leurs proches. Et donc, vous avez travaillé pendant longtemps sur la sociologie du droit. Comment ça se fait qu'en 1994, vous êtes retrouvée à travailler sur un sujet comme celui du sida ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une bifurcation en sociologie. J'étais absolument pas destinée à faire cette recherche. Bon, ce qui m'a amenée à bifurquer par rapport à mon plan de carrière, on va dire, qui était entièrement celui de quelqu'un qui travaille sur archives judiciaires, c'est deux choses. La première, c'est un événement dans ma vie personnelle qui m'a énormément sensibilisée à la question du sida. En 1990, mon mari a eu une endocardite, c'est une infection de la face interne du cœur, et il a été hospitalisé pendant de Pâques à l'été, disons, à l'hôpital Bichat, dans le service des maladies infectieuses et surtout dans la réanimation des maladies infectieuses. Et bon, pour faire dire les choses rapidement, à part lui, tout le monde avait le sida dans ce service. Simplement, lui, finalement, après des épisodes très très difficiles, il s'en est sorti. Et autour de nous, les gens lui ressemblaient, comme lui. Ils étaient sur des fauteuils roulants. C'était des grands hommes comme lui, d'1m80, 40 kilos. Et eux, ils allaient mourir. Et donc, le temps qu'on a passé dans ce service, l'aide qu'on s'est apportée entre les personnes, les unes aux autres, a fait pour moi une sensibilisation énorme à cette question. Peut-être aussi une culpabilité, ça existe, la culpabilité du survivant, c'est-à-dire de dire, ben, nous on va s'en sortir, et tout ce qui nous entoure, non. Donc il y avait cette sensibilisation, c'était la première raison. Et la deuxième, c'est que le CNRS a fait un appel à ce que des chercheurs, qui n'étaient pas des chercheurs en sciences de la santé, les seuls mobilisés au départ, viennent contribuer à la connaissance de cette épidémie dramatique. Il y avait trop peu de monde. Et il y a eu donc un appel aux chercheurs. Et à ce moment-là, quand j'ai vu cet appel, je me suis dit, mais oui, bien sûr, pourquoi est-ce que je le ferais pas? Et je vais bifurquer, ça sera ma façon de rendre quelque chose de ce qui m'a été donné dans les semaines que j'ai passées là-bas. Valérie, vous, dans votre parcours de vie, vous avez appris à un moment que vous étiez séropositive. Comment vous avez choisi le moment où vous alliez ou non le dire à votre entourage ? Alors, j'ai choisi tout de suite de ne pas le dire. Ça me semblait évident à l'époque, c'était en 1989, donc il était hors de question de divulguer cette annonce, ce coup de tonnerre, de le dire au niveau social. Donc déjà, premièrement, pas à ma famille, et hors de question au niveau professionnel, j'avais 3 petits boulots, d'autant que je faisais un accueil matinal le matin, et j'accueillais des enfants à l'école, avant l'ouverture de l'école, et ma grande préoccupation d'ailleurs c'était de pas les contaminer, ce qui semblait peu probable, mais voilà, j'avais peur d'être contaminante alors même qu'il n'y avait pas d'action pour, mais pour moi j'étais potentiellement contaminante, donc le dire non, pas possible. La consultation de soi, la permanence de l'association AIDE a été créée assez rapidement, années 88 à peu près, dans ces eaux-là, 88-89. Tim Grissen, psychologue, ancien président de l'association AIDE Île-de-France. Alors, ce n'était pas vraiment moi qui a mis en place la consultation de soi, c'était Michel Kazatchkine, le professeur d'immunologie à l'hôpital Brousset. Pourquoi créer une consultation de soi ou une immunologie? Parce que, tout bêtement, beaucoup de gens touchés par le VIH, c'était des jeunes. Et des jeunes, ils travaillent. Et le fait de devoir aller consulter à un hôpital en journée, pour toute une partie de la population, ça devait se cacher ou c'était mieux de pouvoir aller le soir, de ne pas interrompre son travail dans la journée pour traverser Paris, pour aller à l'hôpital, pour revenir, etc. La première chose que beaucoup de gens demandaient, c'était quelqu'un avec qui je peux parler. Quelqu'un de sympa. Est-ce que vous avez le numéro de téléphone d'un médecin sympa? Quelqu'un qui comprenait, qui se trouvait face à quelqu'un qui allait comprendre leur situation, ce qu'ils vivaient, l'importance du secret, l'importance des enjeux, et quelqu'un qui était solidaire. Et c'est ça que proposaient toutes les associations, principalement ça, c'était cette solidarité, un sentiment de chaleur humaine, quelqu'un avec qui on peut partager ses secrets. Je l'ai appris à l'âge de 22 ans et demi, quand j'ai rencontré la personne qui est devenue mon mari par la suite, le père de mon enfant. Valérie. Il faut savoir que mon mari avait 10 ans de plus que moi. Et que, on s'est pas vu pendant 2-3 mois parce que, comme il était toxicomane, il a fait une bêtise et il a atterri en prison. Et donc c'est comme ça que j'ai appris ma séropositivité pendant que lui était en prison et que je l'attendais. Je savais qu'il allait sortir bientôt parce qu'il avait pas eu écopé de beaucoup. C'était, il est resté un mois en prison peut-être à peine. Et là, il a pris la décision de se faire tester. Je revois la scène et il me dit, il faut que tu te fasses tester, j'ai appris que je suis séropositif. Et je lui ai dit, là, à ce moment-là, je lui ai dit, moi aussi, j'ai appris que je suis séropositif, je suis déjà testée. Et qu'est-ce qu'on fait? Et là, en fait, on a pleuré tous les deux. Il a fondu en larmes. Moi aussi, j'ai pu laisser évacuer ça, que j'avais vécu seule, et je le partageais avec lui. Et là, à ce moment-là, on a décidé de continuer tous les deux et de s'accompagner. Et c'était le moindre mal. C'était le moindre mal et ce qui pouvait nous arriver de mieux dans cette galère et dans ce qui allait advenir. En plus, j'avais pas beaucoup d'amis. J'étais paumée dans la vie. Et je me suis dit, alors les gens que de toute façon je ne voyais qu'une fois ou deux, c'était pas la peine de leur dire, ça c'est clair. Alors je l'ai dit à des amis, là je vois 2-3 personnes, mais je l'ai surtout, ça a été vraiment évoqué après, que dans le milieu hospitalier et médical. À la consultation du soir où j'allais, à l'hôpital Brousset à l'époque, voilà, une prise en charge. On était beaucoup plus enfermé dans sa vie privée, dans le sens très ordinaire du terme. Chez soi, dans son studio, quelque part dans Paris ou dans la banlieue parisienne, dans sa petite 2 pièces, quelque part, on était enfermé et tout seul dans un lieu où la seule communication avec l'extérieur, c'était le téléphone fixe. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vivait à l'époque-là. Ça n'a rien à voir. À la permanence de soir, personne n'avait de téléphone portable. Tu ne pouvais pas envoyer un email à quelqu'un. Ça n'existait pas. Quelqu'un qui était malade ou isolé dans cette situation-là était beaucoup plus isolé. Beaucoup plus isolé. D'où une des choses essentielles de quelque chose comme l'association Aide à l'époque, c'était l'aide à domicile. D'aller chez les gens, une fois par semaine, ça représentait un truc énorme pour tout le monde. Et souvent, c'était la seule personne que ces gens-là voyaient. Parce que, puisqu'ils étaient homosexuels, ils étaient partis de leur province, ils habitaient à Paris, les copains étaient morts, ou ne venaient plus, ou etc., etc., etc. Je faisais partie à l'époque d'une compagnie de théâtre qui s'appelle toujours Les Caramels Fous. Francis Carrier. Une compagnie de garçons gays. Et là, j'ai commencé à faire l'apprentissage du silence. Parce qu'on était une majorité à être concernés par le VIH et on ne l'évoquait jamais. On n'en parlait jamais. On voyait des gens disparaître, tomber malades, et on continuait de se taire. Mais je n'en ai parlé surtout pas à mes parents, surtout pas... À l'époque, je vivais avec personne, d'ailleurs. Je n'en ai parlé à l'époque à personne. Le silence est un outil de protection. C'est-à-dire qu'il permet aussi d'oublier et de continuer à avoir une vie comme tout le monde. Si on porte un stigmate qui est trop fort et que ce stigmate, tout le monde autour de vous le voit, vous n'êtes identifié que par ce stigmate. Vous perdez toute identité, vous perdez toute la capacité de vous projeter dans l'avenir, d'agir. Et donc, pour moi, c'était ça qui était essentiel, c'était de continuer à vivre. Si vous regardez avec un regard misérabiliste ou plein de compassion une personne qui vous semble en difficulté, eh bien, vous ajoutez à sa difficulté. Vous l'aidez en rien. Pour moi, c'était important qu'on ne change pas de regard sur moi. La vie privée, on s'en est aperçu avec cette enquête, elle est un peu faite de plusieurs mondes. Irène Théry. Il y a bien sûr la vie intime, hein, par exemple le couple, etc. Mais votre vie avec le couple n'est pas forcément dans le même petit monde que la vie avec votre famille d'origine. C'est encore un autre monde que celui de vos amis et encore un autre monde que vos collègues. Donc, on va et vient tous tranquillement entre plusieurs mondes. Et d'ailleurs, ça fait partie de la... Comment on va dire ça ? De l'intérêt de l'existence, que de pouvoir... tout n'est pas uniforme. Ce qu'on attend de nous et ce qu'on fait, et comment on se présente, n'est pas de la même façon dans chacun de ces mondes. Et la diversité de ces mondes nous importe. Alors, ce qui s'est passé, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait vraiment deux grands cas de figure. Il y a des personnes dont le grand souci a été de rendre tous ces mondes entre lesquels elles avaient circulé et qui quelquefois s'ignoraient complètement. Évidemment, c'était plus fréquent chez les hommes homosexuels qui avaient leur vie dans le milieu homosexuel et puis leur famille, par exemple, qui soit connaissaient leur homosexualité ou pas, mais qui ne connaissaient pas le monde dans lequel ils vivaient, les boîtes, les lieux qu'ils fréquentaient, les amis qu'ils avaient, etc. Donc il y avait des personnes qui essayaient de faire en sorte que les différents mondes puissent se rencontrer. Par exemple... Se rencontrer enfin, vous diriez, vous aviez l'impression... Il y avait l'idée, à un moment, tout ça c'est moi, et il va bien falloir que ces personnes se croisent. Un jour je serai malade, ou je suis malade. Il faut bien qu'à un moment, mon ex, par exemple si je suis homosexuel, mon ex et ma mère puissent se croiser. Parce qu'ils vont un jour aller dans la même chambre d'hôpital. Et puis aussi peut-être pour réunir sa vie, peut-être réunir les morceaux de soi qui s'étaient toujours ignorés, une volonté de se dire « mais je me réunis ». Il y a eu aussi de très belles choses, comme il y en a dans les maladies en général. Il y a des choses horribles, il y a des choses très belles qui se passent quand justement l'entourage se rassemble. Et les gens passent par-dessus énormément de choses. C'est une expérience de vie aussi. Donc ça, c'est une façon de construire la confidence par constitution progressivement autour de soi d'un monde unifié où auront la surprise de se retrouver et de s'aimer quelquefois les gens qui auparavant étaient dans un univers très différent. Et puis il y a une autre technique, si on peut dire, tout à fait différente, qui consiste à préserver jusqu'au bout, comme étant un bien précieux pour la personne, la diversité des mondes. Et finalement, la personne arrive à se sentir bien dans sa famille, mais sa famille pourrait jamais rencontrer, par exemple, son milieu toxico, mettons, dans lequel il n'y a pas que juste de la misère et des choses moches. Il y a aussi des choses très précieuses, mais qui sont tellement loin, où les ressorts de ce qui se passe entre les gens sont tellement différents, etc., que pour pouvoir être pleinement soi-même, jusqu'à l'extrême limite, séparer les mondes. Bah, vous savez, le secret, il est facile à préserver, parce qu'on ne fait pas des prises de sang à tire-larigot, hein. On n'expose pas nos résultats sanguins, et on ne nous demande pas des résultats sanguins dans tous les actes quotidiens de la vie. Donc, tant que vous êtes apparemment comme les autres, on suppose que vous êtes comme tous les autres. Ça s'arrête là. Donc, j'ai pas du tout eu le sentiment de devoir cacher. C'était, bon, un silence. Le seul moment qui posait une réelle difficulté, c'était dans les relations affectives et sexuelles. Là, effectivement, il y avait toujours ce moment difficile de la négociation, de dire, de pas dire, et de quand le dire. Donc, c'était ça qui était difficile. Et puis après, vous savez, quand vous êtes entouré de gens qui sont plus en difficulté que vous, vous êtes quand même happé par la nécessité de vous préoccuper de la situation des autres qui sont en plus grand désarroi. Et à l'époque, il y avait beaucoup de visites dans les hôpitaux, beaucoup de visites au Père Lachaise, beaucoup d'accompagnement, des projets aussi, puisque aide permettait d'avoir des projets de lutte, de combat. Bon, on voyait bien que la société marginalisait toutes les personnes séropositives, pas parce qu'elles étaient séropositives, mais parce qu'elles étaient en général issues de minorités qui n'avaient pas d'existence et qui n'avaient aucun droit. On a vu aussi, en même temps, que le pouvoir médical était défaillant sur le sujet du VIH, mais il restait avec son fonctionnement habituel, c'est-à-dire le secret médical. Avant le sida, un patient était un mineur, et donc n'avait même pas le droit de consulter son propre dossier médical. Donc cette prise de conscience est montée progressivement pour lutter sur des choses qui semblaient essentielles. Et notamment, bon, j'ai participé à quelque chose qui a, pour moi, été fondamental, c'était dans les années 90, c'est les premiers états généraux du Vivre le Sida, que l'on avait organisé au Bataclan. Et je dirais que ça a été un des grands moments où les anonymes, les sans-voix, ont commencé à parler d'eux-mêmes. Et ça, c'était un moment important dans la lutte contre le sida. On doit réclamer des droits, on doit pouvoir avoir des informations sur les traitements qui vont sortir ou pourquoi ils ne sortent pas. Il a fallu, je vous le rappelle, quand même des pressions. Un peu plus tard, ACT UP donc est arrivé, mais on a constaté aussi que bon, la rétention d'informations ou les politiques marketing de certains laboratoires pharmaceutiques allaient à l'encontre du bien-être des malades. Donc, il a fallu lutter pour demander à ce que nos droits soient respectés. Et donc, ça impliquait pour vous, dans ces moments de lutte collective, d'assumer plus publiquement ce que vous aviez voulu maintenir secret à d'autres moments de votre vie, si je comprends bien? Oui et non, parce qu'à Aide, au début, il y avait majoritairement des personnes séropositives et gays, mais très vite, bon, d'autres personnes de la société civile sont venues, parce que il leur a semblé que la lutte que l'on portait était juste. Et donc, très rapidement, on ne s'exprimait plus sur le fait qu'on soit séropositif, on s'exprimait sur les luttes des séropositifs. Oser le dire à ses collègues, oser le dire à sa famille, c'était toute une autre difficulté. Le premier lieu, c'est de pouvoir se le dire soi-même. Tim Grissen. Pouvoir se le dire que j'ai une maladie grave, c'est fou. Lorsqu'on a 20 ans, lorsqu'on a 25 ans. J'ai une maladie grave, d'autant plus grave que c'est transmissible. Donc une partie de mes plaisirs possibles disparaît. En 1994, parmi les 150 entretiens réalisés par elle et son équipe, Irène Théry s'entretient avec Didier Lestrade. Il est le seul à avoir accepté que son entretien ne soit pas anonymisé. Il faut se rappeler de 87, où, au niveau associatif, tout le discours associatif de aide de l'époque, c'était de dire « tu n'es pas obligé de le dire ». Tu es, toi, en tant que personne, Didier, tu n'as pas donné ton nom de famille, tu n'as pas à dire ton statut sérologique si tu n'as pas envie de le dire, tu n'as même pas à donner ton orientation sexuelle si tu n'as pas envie de le dire. Et moi, déjà, j'étais en rejet par rapport à ça. C'est-à-dire que le message de la télé qui était à l'époque prévalait, qui était « le sida ne passera pas par moi », moi, je faisais partie de ces personnes qui disaient « mais au contraire, le sida est passé par moi, je veux en parler, je veux témoigner ». Est-ce que déjà vous vous rappelez du moment où vous avez mené cet entretien où Absolument il était... pas. Pas du tout, vous rappelez. Absolument pas, mais je crois que c'est le problème aussi de mon engagement. J'ai donné tellement d'interviews que forcément, je ne me rappelle pas tout, mais ce que je disais à l'époque et ce que je pense aujourd'hui. À l'époque, le sida, à la télé, c'était les gens qui passaient en ombre chinoise. Mmh. Et ça, je ne le supportais pas, ce témoignage. Et je me trouvais en conflit direct avec mes amis, avec les campagnes de prévention, avec les associations de l'époque. Je crois que ça partait d'un bon esprit, c'est-à-dire que le message principal de Aide, quand même, qui était une grande association, qui était parmi les associations fondatrices, donc forcément, il y a eu un lobby de la part de Aide qui a été très efficace auprès de l'État pour dire il faut protéger les personnes, surtout à une époque où on parlait de sédatorium, donc il faut quand même faire en sorte que la stigmatisation soit... il fallait combattre cette stigmatisation. Didier Lestrade, journaliste, cofondateur d'ACT UP Paris. Mais le sida ne passera pas par moi, c'était, on voit bien maintenant à quel point ce message, il peut être un message de protection, mais c'est un message d'exclusion aussi. À l'époque, en tout cas, j'étais très en colère de cette hyper-protection des personnes séropositives à la télé qui, en fait, faisait qu'on ne pouvait pas aller au bout des choses, tout simplement parce que les personnes étaient cachées. Je crois que quand les personnes sont cachées, du coup, elles ne sont pas totalement franches. Je dis souvent que je suis transparent, hein. Donc j'ai une transparence sur mes sentiments en tant que journaliste, en tant qu'écrivain, qui fait que je dis beaucoup de choses. À partir du moment où je me suis engagé dans le VIH-SIDA, j'ai considéré que ma vie privée serait très altérée par mon engagement. Donc à partir du moment où je parle à la première personne, ça peut aller très loin. Dans cette situation de cette épidémie incroyable, destructrice, avec tous ces risques de stigmatisation, de discrimination, de violence, il fallait qu'il y ait des gens qui fassent passer le privé comme n'étant pas une question privée. Il fallait publiciser le privé. Vous couchez avec un garçon qui est un toxico, franchement, c'est privé. Mais à un moment, il fallait que ça devienne une question publique. Ça ne pouvait pas être que les médecins qui avaient un discours public. Donc, des personnes ont décidé qu'elles allaient, par leur témoignage, d'abord public. Donc, au début, c'était très difficile. Il y en a eu très, très peu. Hein. On a vu arriver une personne, deux personnes, 10 personnes, 100 personnes, etc. Pas simplement la maladie était publique, bien sûr, mais l'expérience de la séropositivité publique. C'était justement l'aboutissement d'un processus militant qui, pour certaines personnes, révéler le statut sérologique a aidé le coming out gay. C'est-à-dire, je prends un exemple, dans une famille, parce que je pense qu'il fallait absolument commencer par la famille et l'entourage, le fait d'avouer une telle maladie à cette époque-là, était tellement libérateur pour les personnes qui la vivaient que c'était très difficile de faire l'un sans l'autre. C'est-à-dire, si on disait qu'on était séropo, ça veut dire qu'on était gay ou toxico. C'était ça, quand même, à l'époque. Donc, je crois que, quand même, si les parents ou la famille ne comprennent pas tout de suite, c'est comme tout, il leur faut du temps. Et à partir du moment où on les accompagne, comme eux, ils vous accompagnent, eh bien, il y a vraiment un lien familial qui fait que face à la merde, face à un gros risque, face à la maladie, il y a un resserrement quand même et du coup, on peut rattraper du temps. Tout à l'heure, vous avez parlé des choix de ne pas parler à vos parents. Comment vous en êtes venu à cette décision de ne pas leur parler de votre état de santé? C'est impossible d'imaginer qu'on va faire de la peine à ses parents en mourant avant eux. Francis Carrier. On sait très bien que le drame d'une famille, de parents, c'est de perdre leur enfant. Alors surtout quand ils sont petits, mais même quand ils sont plus grands. Et donc de se dire que à un niveau ou à un autre, qu'on ait la responsabilité d'avoir été contaminé, puisque bon, après tout, si j'étais contaminé, c'est parce que je suis homosexuel, si j'avais pas eu des relations sexuelles. Donc, quelque part, même si c'est pas un choix, on a une culpabilité qui se forge. Et on se dit, c'est impossible de pouvoir donner ce fardeau à ses parents. En plus, mes parents étaient quand même assez âgés. On avait une forte différence d'âge. Et donc, je pouvais pas imaginer discuter de ça. Et en plus, je pense qu'ils n'auraient été d'aucun soutien. Mais au fond, c'est vraiment d'imaginer de faire de la peine à mes parents qui était pour moi impossible. Alors après, je sais pas exactement, mais bien plus tard, je sais que ma mère a soupçonné, je suppose, que j'étais séropositif, j'en sais rien, puisque à l'époque, homosexuel égale sida, hein, puisqu'on ne parlait que de ça. Donc elle a dû faire ce raccourci, et puis je l'entendais grommeler dans la salle de bain, je veux pas attraper le sida. Donc c'est pour vous dire que le climat n'était pas forcément non plus très positif, et que ça ne pouvait pas me porter à être, à demander un secours vers mes parents. Mais encore une fois, c'est pas ça qui a guidé mon silence. C'était cette culpabilité au fond de dire je ne peux pas mourir avant mes parents. Pourquoi vous utilisez le mot de culpabilité alors ? Parce que, comme je vous dis, quelque part, c'est lié à mes actes si j'étais séropositif. Bien sûr, c'est pas un choix. Mais vous vous dites, je suis coupable de quelque chose. C'est pas comme une maladie que vous auriez attrapée sans aucune raison. Elle est liée à vos actes. Et vos actes, même si c'est des choses que vous assumez, que vous ne reviendrez pas là-dessus, c'est bien sûr. Mais ça se traduit quand même par de la culpabilité. Moi, je n'avais pas l'homosexualité. J'ai vu ça dans le regard de certains médecins de temps en temps. Pour eux, j'étais considérée presque comme une victime à 22 ans et demi. Valérie. J'étais pas homosexuelle, j'étais même pas toxicomane. Je le suis devenue après. Donc, du coup, j'étais quelqu'un de bien qui avait été victime. Quelqu'un qui est homosexuel et séropositif peut avoir deux choses à annoncer. En tous les cas, le travail de justification, voilà, mêle l'un et l'autre. Moi non, je suis l'hétéro, normal, jeune femme à l'époque. Et là, je pense que j'ai pas fait tout de suite un lien avec la sexualité, alors que j'étais contaminée par voie sexuelle. J'ai fait un lien avec mon histoire d'enfance douloureuse, avec mon parcours qui, de toute façon, était un parcours chaotique. En fait, c'est ça que je cachais en ne disant pas la séropositivité. C'était ce premier parcours de l'enfance et de l'adolescence douloureuse, mais tellement douloureuse. Faut dire que c'est venu de ma mère. Hein. Quand je me suis engagé à ACT UP, je l'ai dit tout de suite. Enfin, non, même avant, quand j'ai été séropositif en 86, je l'ai dit tout de suite à mes frères et ma sœur. Bon, parce que on est vraiment une fratrie très proche et puis que je voulais vraiment les informer pour les prévenir. Didier Lestrade. Et puis, j'étais déjà dans une boulimie de savoir ce que c'était le sida à une époque où il y avait très peu d'informations. Mon frère aîné, je me rappelle très bien, quelques mois plus tard, m'a dit « Est-ce que tu veux que je le dise à papa ?» Et comme je n'étais particulièrement pas vraiment encore en bon terme avec mon père, je lui ai dit « Bah oui, tiens, ça me fera des vacances. » Et mon père a très bien réagi, bien sûr. Et ma mère, j'ai attendu un peu plus longtemps. En fait, j'étais tellement omnubilé par le travail de d'Act Up qu'il a fallu attendre 2 ans. Le temps qu'elle me voie à la télé, le temps qu'elle ne puisse plus faire semblant de ne pas comprendre. Je me suis dit, je pourrais très bien lui dire dès le début, et je considérais qu'elle avait assez souffert comme ça dans sa vie pour avoir un coup dur. Et en fait, c'est elle qui m'a coincé, c'est elle qui m'a demandé, bon, tu as quelque chose à me dire? Et ça s'est fait vraiment dans les normes, hein, comme dans les films, c'est-à-dire, bah oui, je suis séropositif, on s'est pris dans les bras, elle a pleuré, j'ai pleuré. Et sa réaction typique en tant que mère, c'est « Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ?» Bon, ben, je ne te l'ai pas dit avant parce que peut-être que tu n'étais pas prête il y a 2 ans. Donc maintenant, tu l'es et c'est pour ça que tu me demandes. Donc c'est ça le truc. Si j'avais eu à être aussi militant que je le voulais, bien sûr, je l'aurais mis au même niveau que mes frères et que mon père. Et puis surtout, je pensais vraiment que c'était très difficile pour moi de m'engager à fond dans Act Up avec l'inquiétude permanente de ma mère tout le temps. Ce qui veut dire que pendant les années, votre engagement militant, est-ce qu'au début vous le pensiez comme une manière de leur dire sans le dire ? Bonne question. Je crois que pour ma mère, en tout cas, ça a été le cas. Bon, je passais beaucoup à la télé, hein, donc c'était toujours sur Sida. Bon, il est évident qu'elle n'a pas tout vu, mais je n'avais pas envie qu'elle apprenne non plus à travers les médias. Et peut-être que quand je lui ai dit, c'est que je savais que quand même mon exposition médiatique allait faire qu'à un moment, elle apprendrait de cette manière. Elle aurait très bien pu me le reprocher. Je crois que ma mère est la seule exception à mon engagement militant, dans le sens que je le disais à tout le monde, j'encourageais tout le monde à le dire, et ma petite faute a été d'attendre 2 ans pour ma mère. Après, vous parlez d'une faute, mais on peut comprendre, enfin, les raisons que vous évoquez, elles sont tout à fait entendables. On parle oui, mais pour moi, qui suis vraiment d'un bloc dans mes convictions, j'ai eu un moment quand même un peu, pas honte, mais en tout cas le regret de n'avoir pas tenu mes principes tout de suite. Dans certains de vos écrits, vous dites des choses comme voilà, les séropositifs qui se taisent ont toujours tort, ou en tout cas qui se cachent ont toujours tort. Est-ce que ça veut dire que ne serait-ce que ce délai de 2 ans que vous vous êtes accordé de manière exceptionnelle, vous n'êtes pas en mesure de comprendre que... Enfin, pas en mesure de comprendre, c'est pas vraiment ça. Mais bien sûr que si, oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Je crois qu'au niveau militant, on a des sortes de déclarations comme ça, d'un bloc, qui vont toujours un peu plus loin que ce qu'on pense ou ce qu'on fait. Il y avait plusieurs choix possibles. Donc, certaines personnes ont décidé que finalement, ce qui leur arrivait... Irène Théry. Participant d'un fait social... éminemment problématique par les réticences, par les enjeux, par la façon dont il fallait faire avancer, changer l'hôpital, changer les rapports aux médecins, intervenir sur les traitements, faire avancer les choses plus vite. Il y avait 1000 raisons d'être solidaire des autres. Là, on voit bien, c'est très clair, ma vie privée, je la mets dans quelque chose de public. Mais ça n'obligeait personne à le faire. Donc, ceux qui l'ont fait aussi pour permettre à ce que d'autres continuent et puissent même vivre une séropositivité sans engagement public. Mais leur séropositivité était changée, si on peut dire, par l'action des autres. Au bout de 3 ans, après avoir appris ma séropositivité, il était hors de question de faire un enfant. Et j'ai commencé à me détruire, voilà, j'ai un peu navigué avec, dans la drogue, avec mon mari, essayé, bon voilà, et c'est vrai que j'étais, je devenais une héroïnomane, et en même temps je tenais, c'est-à-dire que je m'arrêtais toute seule, je reprenais, je travaillais toujours, j'ai réussi à tenir. C'était une vie de dingue puisque je mangeais pas beaucoup, je maigrissais mais c'était pas forcément la maladie. J'évoluais dans ce monde comme ça, sans objectif et sans perspective. Je travaillais parce qu'il fallait bien payer son loyer. Et ça était hors de question d'être SDF, voilà. Donc du coup, on survivait. Et entre drogue et un peu d'alcool, la pilule, je l'ai pas prise sérieusement et le bébé était là. Et là, bien sûr que le choix s'est posé d'avorter, de préférence. Et puis, je me suis mise, pour la première fois de ma vie, là, je me suis mise en... Ah non, pas la première fois, puisque j'avais été déjà en arrêt maladie quand j'étais très malade. Mais voilà, là, je me suis mise en arrêt maladie pour, sans être malade, pour réfléchir. Il me fallait du temps. Parce que j'ai commencé à me dire, et si cet enfant... S'il est là, c'est peut-être pas pour rien. Alors que je crois en rien, moi je crois pas en Dieu, je crois en rien, mais s'il est là, c'est peut-être pas pour rien. Donc c'était vraiment une prise de décision seule et en même temps avec le corps médical, parce que je suis allée voir le médecin qui nous suivait au centre médical, je lui en ai parlé. En fait, j'ai eu que des consultations pour réfléchir. Et à la fin, je me suis pas dit je tente le coup, je me suis juste dit je vais lui donner une chance de vivre, de venir à ce monde et de lui donner la possibilité d'être là. Voilà. Et à partir du moment où votre enfant est né, qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre manière de gérer le secret que vous aviez de votre propre séropositivité et potentiellement de celle de votre enfant ? Il fallait gérer les deux secrets. Alors pour moi, du coup, c'était plus un secret. Enfin, pour moi, il y avait plus de soucis. J'avais pas à gérer le mien. Il fallait juste gérer celui de mon fils Vincent et savoir est-ce que je le dis. Donc, c'était assez facile puisque on était vraiment. Mon fils en plus est tombé malade assez rapidement. On l'a su très vite. À l'époque, on a fait l'amplification génique et on l'a su à 2 mois. On savait qu'il était séropositif. Entre le moment où vous vous sentiez justement dans l'incapacité de pouvoir parler et le moment où vous l'avez fait, comment vous expliquez qu'à un moment vous en ayez été capable ? Ça s'exerce la parole, parce que la capacité à dire, à expliquer avec des mots, à être dedans sans en même temps être dans le pathos, hein, c'est quelque chose qui s'apprend. On le vit avec une personne parce que cette personne est là à ce moment-là, on le vit avec une amie, un médecin, moi c'est grâce au médecin, et à ce moment-là, dans le regard, c'est détendu, c'est pas la peur qu'on voit, et donc je pense que ça permet d'ancrer quelque chose qui fait que, ok, quand c'est le bon moment, si c'est possible, si c'est souhaitable, ok, on peut le dire. Je l'avais vécu avec des parents d'élèves, quand j'ai pu le dire à des parents pour mon fils, qui m'avaient invité, et je leur avais dit, oui, mais vous savez, s'il tombe, c'est... Là, j'avais eu le courage de le dire, mais j'étais en face de gens particulièrement... Je sentais une sensibilité, une intelligence, et au pire, bah, à un moment donné, on risque aussi. Et je leur avais dit, mon fils, c'est séropositif, et ça peut poser... Ils étaient venus, d'ailleurs, à l'enterrement après, par la suite. Ça peut poser problème, c'est vous, je vous laisse le choix. Est-ce que vous voulez le prendre comme vous voulez, venir le chercher, le prendre ? Et ils ont dit, ben, plus que jamais, il va jouer avec notre fils, parce qu'il y avait une affinité entre les deux enfants, plus que jamais il va jouer, on sera attentif s'il y a un problème, voilà. Et voilà, de temps en temps, on rencontre des gens exceptionnels quand même. Qu'est-ce que c'est que faire une confidence ? C'est partager un secret avec quelqu'un qui ensuite... va être un compagnon de votre situation. Donc, vous ne dites pas, tiens, j'ai une information à vous donner. Ce n'est pas ça, dire qu'on est séropositif. C'est pour ça qu'on a parlé de confidence. C'est-à-dire, ça consiste à choisir quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner. Par exemple, parmi les choses qui nous ont été dites, les expériences les pires, ça n'était pas... Il y a eu des cas de rejet. Je veux plus te voir, des homosexuels qui ont été maltraités par leur famille quand ils ont énoncé aussi leur homosexualité, etc. Mais finalement, pas tant que ça. Par contre, une chose dont on nous a beaucoup parlé, c'est faire la confidence, c'est comme lancer un ballon à quelqu'un. Je vous lance la balle. Et ben, si vous ne savez pas l'attraper, si vous n'en faites rien, si ensuite vous ne reparlez pas, par exemple, vous dites rien sur le moment, et puis après vous n'en reparlez jamais à la personne, qui sait même, il dit, mais je lui ai quand même dit. Voilà. Ben, par exemple, ça, c'est une des choses importantes de notre enquête. Et on peut dire que, je le dis, si des gens nous écoutent, voilà, si on vous fait une confidence et qu'après vous n'en faites rien, c'est-à-dire que vous ne, par timidité, parce que vous êtes bouleversé, peu importe que la confidence soit sur le sida ou sur le cancer ou sur autre chose, si vous n'en faites rien, vous laissez la personne comme quelqu'un qui a envoyé une balle et qui ne sait jamais si elle a été attrapée de l'autre côté. Et les bons confidents, c'est ceux qui renvoient. Jamais, après la mort de vos parents, par exemple, regretter de ne pas leur avoir parlé plus ouvertement de ce que vous aviez vécu Non, parce que, vous voyez, si on ne parle pas avec ses parents, on ne va pas parler du sujet du VIH. Mais il faut être dans une relation de non-jugement. Et moi, je n'étais pas dans ce cas-là, loin de là. Je pense que mes parents se protégeaient à leur façon. Moi, je me protégeais à ma façon. Et avec ses parents, eh bien, c'est pas, ça dépend de notre histoire. Ça dépend comment, depuis tout petit, on s'est comporté, comment on a échangé, comment ils nous ont fait confiance, comment les choses peuvent pas se changer comme ça du jour au lendemain. Mais on peut le regretter, bien sûr. Hein, moi, j'aurais préféré. De façon, quand on est enfant, souvent, je suis pas le seul, hein, je pense, c'est qu'on a des copains qui ont des parents et on se dit, qu'est-ce que j'aimerais avoir, que mes parents ressemblent à cela. Parce qu'on trouve que les parents des autres, souvent, sont hyper chouettes. Alors que les nôtres, ils sont chiants, on peut rien dire, on peut rien faire, etc. Bon, mais vous voyez bien que c'est dans ces représentations, c'est un impasse, parce que bon, les parents de nos copains seront jamais nos parents. Ils les remplaceront jamais. Et pourtant, on y pense. Je pense que le temps joue en la faveur à partir du moment où on révèle quelque chose. Moi, je dis souvent que les parents nous éduquent et après, c'est à nous de les éduquer. Et c'est ce qui s'est passé sur le VIH ou plein d'autres choses dans ma famille, c'est-à-dire que maintenant, nous, on a grandi vraiment en opposition avec nos parents dans des mouvements de contestation des années 70 qui n'ont pas arrêté. C'est-à-dire que les rapports avec nos parents étaient conflictuels du matin au soir. Donc, mon engagement dans le VIH a permis à comprendre à mes parents que sur ce point, j'avais raison et que c'était à eux de faire leur travail. C'était à eux de se renseigner, c'était à eux de changer d'attitude vis-à-vis de l'homosexualité. Et c'est précisément dans un moment où l'homosexualité paraissait très dangereuse qu'il fallait vraiment commencer à changer son point de vue sur l'homosexualité en général. Pour moi, c'était dans un sens fantastique parce que on s'est trouvé il y a 2 mois chez ma mère où il y avait mon frère aîné et ma sœur. C'était l'été, on était dans la cour, et ma mère est arrivée à dire « Bon, on va parler. » Et ma mère a carrément crevé l'abcès sur plein de choses qui remontaient à la genèse de notre homosexualité, de la genèse de la séparation avec mon père, de la genèse d'une discussion de 2h30 comme on n'avait pas eu, comme on voit dans les films de Bergman, quoi. Genre, c'était du vrai Bergman. Et je crois que ma mère est arrivée à ce courage-là parce que, à un moment, en 91, on a commencé à parler du sida. On n'a pas parlé que seulement d'ailleurs de l'homosexualité. On a parlé de sa sexualité à elle. Par exemple, comment elle avait quitté mon père, comment elle était tombée amoureuse de l'homme avec qui elle a vécu maintenant depuis 30 ans. Et elle nous a parlé de choses qui se passaient en 62, de son époque à elle qui n'était pas vraiment très facile. Et ça a mis les choses en perspective parce qu'on ne parlait pas que seulement de ce sorte de drame de l'homosexualité de ses 3 fils, c'est qu'on parlait, ma sœur aussi pouvait parler de la sexualité avec sa mère, ça rendait le fait de parler de l'homosexualité plus facile parce que justement on parlait de sa sexualité à elle aussi. Moi, je dirais plus universellement que tout ce qui est partagé dans l'intime. Ça pourrait être un cancer, ça pourrait être une autre maladie, ça pourrait... Il suffit d'avoir la personne en face de soi, il suffit de savoir le dire, et il suffit d'avoir quelqu'un d'autre connecté en face de soi. Et là, effectivement, on n'a plus d'interdit vraiment, on touche à l'os, on touche à la matière, je pensais à la matière, mais on touche au-delà de la matière à l'os, à ce qui fait profondément nous-mêmes. You live in a morning with everything you own in a little black case. Alone on the platform, the rain and the wind on its head. A lonely face. Les histoires d'amour que j'ai eues pendant les années 90 et après, c'était forcément basé là-dessus, c'est que les personnes qui tombaient amoureuses de moi ou que j'aimais avaient ce truc-là dès le début. Je me rappelle, je suis sorti avec un mec en 92, je l'ai rencontré, on a pris un café le matin et je lui ai dit tout de suite que j'étais séropo. Il était américain, il m'a dit « mais j'ai jamais entendu dire ça à Paris ». C'est Le fait de dire qu'on était séropo était vraiment une manière d'arriver à un consentement éclairé de la part des deux. Et non seulement je te dis que je suis séropo, mais je te dis où en est mon système immunitaire, combien j'ai de T4, si j'ai une charge virale indétectable. C'est un contrat, c'est une présentation d'un dossier médical avant de draguer quelqu'un. Bon, ça peut bien sûr faire débander d'autres, mais pour d'autres, c'est vraiment au contraire un truc qui rassure. Parce que plus vite on le dit, et mieux c'est, là encore. Je vais pas attendre que ça soit vraiment trop tard pour le dire, le lendemain par exemple d'une relation sexuelle. Et je crois que là-dessus, personne, j'ai vraiment réussi à faire en sorte que vraiment je ne puisse pas être attaquable sur ce sujet-là. C'est là où ça va loin. C'est un engagement qui est total, surtout en tant que fondateur. Hein. Je crois que pour d'autres personnes, c'est pas vraiment le truc, mais je crois qu'il y a un truc très fondamental, particulier dans le fait de créer quelque chose, c'est-à-dire c'est comme une marque, c'est comme un engagement. Il faut qu'absolument qu'à la tête il y ait une adhésion complète au principe de l'association et que on ne puisse pas critiquer l'association parce que les dirigeants ne sont pas conformes à l'idéologie de cette association. Je crois que quand on met sa vie privée, sexuelle, sentimentale, à côté de ses convictions politiques, ça va tout de suite vers une incohérence et une faute. Mais c'est un sacrifice, oui. On sait que ça va nous bouffer la vie. Quand même, je suis pas un moine, mais j'ai passé des années de solitude à cause de ça. Donc, la question se posait, et elle s'était posée d'ailleurs avec la gynécologue qui me suivait, qui elle n'était pas d'accord avec moi, que je le dise à chaque fois. Et moi, j'avais pris le parti, et la psychologue le comprenait, de le dire. Et d'accord, peut-être dire la séropositivité, mais ne pas engager toute ma vie et tout ce que j'ai vécu avec. J'ai compris après que, en fait, aussi quelque part, j'ouvrais toutes les portes battantes comme ça, toutes les fenêtres. Et finalement, c'est comme si on volait quelque chose de moi, mais c'est moi qui en étais responsable. Quand j'expliquais toute l'évolution du virus, ce que c'est que la charge virale, ce que c'est qu'un CD4, j'expliquais tout ça. Mais du coup aussi, c'est que je leur explique aussi ma vie. Et c'est peut-être pas toujours utile. Et c'est peut-être donner trop d'informations, donc c'est ça que j'ai dû apprendre, parce que il y a aussi moi, Valérie, je crois pas que je sois une femme de secret, mais je pense que d'avoir sa propre, allez, ne disons pas secret, mais avoir le secret de son intimité, c'est bien aussi. Mais je l'ai compris qu'avec le temps, parce que je voulais peut-être me justifier, parce que je voulais expliquer. Et que j'avais mélangé les registres, et qu'il y a des registres qu'il faut garder pour soi. Comment, justement, à partir de là, à un niveau plus intime, vous faites la reconquête de ce qui est cet espace privé dont chacun a besoin, finalement, qui est un droit auquel personne ne peut absolument renoncer, il me semble. Moi, j'ai retrouvé ça en quittant Paris. C'est-à-dire qu'en quittant Paris en 2002, d'abord, j'étais vraiment trop marqué par le VIH au niveau physique. Mon visage était... c'était proche de Dachau, c'était... je me reconnaissais pas dans la rue, c'était vraiment quelque chose au niveau de l'image personnelle. Bon, j'ai jamais été malade, mais quand même, j'ai perdu toute ma graisse. Donc, là, la vie privée, elle existait encore moins, c'est-à-dire que j'étais éminemment reconnaissable dans la rue pour les personnes qui connaissaient deux ou trois choses sur le VIH. Vous vouliez dire reconnaissable en tant que séropositif ou en tant que fondateur de... Non, en tant physique, en tant que personne séropositive. Le fait de retrouver la nature, pour moi, ça a été fondamental parce que j'ai grandi à la ferme, j'ai grandi dans la nature, et la nature, j'arrête pas de le dire, mais elle ne vous regarde pas. Vous la regardez, mais elle ne vous regarde pas, et ça, c'est un énorme soupir. Mais autrement, moi, j'ai considéré que mon engagement, il a duré tellement longtemps, je suis resté 15 ans ACT-UP, puis après, j'ai continué pendant 10 ans encore sur les questions du VIH, puis d'ailleurs, j'y suis toujours, et je suis pas le seul, hein, donc je parle pour les personnes qui ont été comme moi, qui se sont consacrés à cette lutte, qui ont donné des journées, des nuits. C'est tout un aspect de l'emploi du temps qui est consacré à quelque chose. Et forcément, c'est pas... Je considère que ma vie privée, elle est sacrifiée à ce niveau-là. Merci à Francis Carrier, Tim Grissen, Valérie, Didier Lestrade et Irène Théry. Merci également aux chercheurs du CNRS qui ont mené l'enquête avec Irène Théry, Daniel Erlido, Séverine Mathieu, Éric Muir, Sophie Tasserie et Éric Bellamy. Prise de son, Arthur Gerbeau, Jean-Guilain Meige et Romain Luquiens. Mixage, Marie Le Peintre. Coordination, Perrine Carvran et Marie-Vonne Abolivier. Les années SIDA, se dire séropo, un geste politique. Un documentaire de Manon Prigent et Séverine Cassard. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter au grand air, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Anaïs Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, influenceur, influencer, comment faire de sa vie privée un métier. Mais en attendant, restez à l'écoute.